Avant ma naissance, mon destin embrasse la Perse en une étreinte éternelle. L'amour intrépide part en conquête, c'est le roi, la proie du harem. Les femmes se livrent une guerre féroce, pourtant auprès d'elle j'ai trouvé grâce. Les parfums chargent l'air de rose. Le phare rend mon visage plus beau. Le soir approche, je verrai bientôt le roi. À sa vue, mon âme pleure de joie. À minuit, au son du luth, s'élève une voix. Le doux rêve. Je renonce à ma dignité, mon passé, et le roi m'offre la couronne.